Et alors maintenant, petite programmation du jour, donc il y a vraiment énormément de choses parce qu'on est le week-end. Alors à 14h, dans la salle de jeu, il y aura donc un atelier qui s'appelle Feuilles, Cailloux à Pau. C'est un atelier de fabrication de petites machines à bruit autour de la pièce Opéra Forcée qui aura lieu un peu plus tard dans la journée. C'est voilà, donc un petit atelier ouvert aux familles à 14h et c'est gratuit. À 16h, donc là ce sera en dehors du festival Archipel, enfin pas du festival mais en dehors de la maison communale de Plainpalais, à la HEM, une conférence qui s'appelle Musique en dialogue. En même temps que cette conférence, toujours à 16h, et là ce sera ici dans la grande salle, nous aurons un concert de Émilie Skrijej. C'est de l'accordéon glitché, environné. À 17h dans la salle de jeu, c'est donc là le fameux opéra Forcée de Francesco Filidei. À 18h dans le salon d'écoute, un concert sur l'acousmonium de la Meg de Hein O'Dwyer. À 20h dans la grande salle, les bardes et bombardes du quatuor Bella et des sonneurs. Et à 22h30, sur l'acousmonium, dans le salon d'écoute, toujours ici à la maison communale, on aura un trio, le trio de Maria Chavez, Mariam Rezaï et Victoria Chen. Voilà, c'est vraiment un programme magnifique. Et avant tout ça, tout de suite, maintenant, à 12h30, dans le salon d'écoute où je me rends à présent, c'est le partage d'écoute de Anna Maria Romano G. Et voilà, je rentre dans le salon. Et je vais donc poser cette petite boîte stéréo et je vous laisse la radio qui est en train de diffuser en direct tout de suite, donc c'est-à-dire qu'on entend tout ce que vous dites sur le site maintenant. Non, c'est pas possible. C'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas, mais je peux éteindre. Alors il y a un tout petit retard sur le partage d'écoute, je déconnecte le stream. À tout.